Des semaines de retard et une introduction inspirée. Pas de doute, vous écoutez pas de modernisme. At the count of three, I want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. One, two, three. Hit me with the horn, 20. Keep making noise. Keep making noise. Yeah. Bonjour tout le monde, bienvenue à Podmodernisme, la balado-diffusion qui se spécialise dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. C'est la 35e édition, je m'appelle toujours André Péloquin, désolé du retard. Écoutez, si tu veux que je me confie public, eh bien, j'étais dans un déménagement, j'étais dans un changement d'emploi et je songe à me faire couper les cheveux aussi. Beaucoup de grandes décisions qui se passent dans mon univers. Mais en attendant, vu que c'est pas très intéressant, on va commencer dès maintenant avec un premier bloc rock. On va avoir entre autres des pièces des Breastfeeders, on va aussi avoir du nom et les petits coucous. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre au podmodernisme@gmail.com. Le site web de la balado, c'est le podmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec une reprise en français des Sinners de la part des Breastfeeders. Ça s'appelle Pousse-toi et c'est tiré de leur maxi Tout va pour le mieux dans le pire des mondes. Si vous aimez ça, vous allez capoter parce que au mois d'août, nouvel album. Oh là là! Tu rigoles, la mèche de l'eau, la mer, où se met le pantalon. Bonsoir. As-tu remarqué, partout où je marche, tous les gens suivent mes traces. Pourquoi ne fais-tu pas comme moi? J'ai dans les bras une autre fille que toi. J'ai bien le droit de choisir. J'ai décidé. appuyez sur pause ou sur stop sur votre lecteur de MP3 préféré. Vous écoutez toujours Podmodernisme, la balado des gens heureux qui se penche sur tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. Je m'appelle André Péloquin et on vient de terminer ce premier bloc, ce bloc rock avec Les Petits Coucous. C'était la pièce Merci aux bénévoles. Un peu avant, on avait Le Nom avec le Boy Toy With No Joy, tiré de leur maxi Allez Chérie, Fais-moi Mal. Et on a débuté avec les Breastfeeders, c'était Pousse-toi, tiré de Tout va pour le mieux, dans le pire des mondes. Leur maxi, en attendant, je vous le rappelle, l'album qui sort au mois d'août. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus hip-hop. On va avoir du Cédric, on va aussi avoir du Semi-Bruce et du Bougat. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous rappelle, mon courriel, c'est lepodmodernisme@gmail.com et le site web, c'est lepodmodernisme.blogspot.com. Là-bas, vous trouverez les archives de la balado ainsi que des liens menant au site de ces artistes. Alors, si vous voulez les voir en concert, vous procurer leur album, coucher avec, plus de renseignements pour vous aider dans vos buts respectifs. On débute dès maintenant avec Bang de Cédric sur Podmodernisme. Yeah! You know what it is? It's your boy DJ Crowd! Come back! 2006! 2006! Bang! C-D-I-E-K! Understand? Recognize Montreal City! Bang! Yeah, fuck les présentations, fuck ma promotion, fuck mes ventes, fuck ma position, fuck mon image, je veux juste que tu cutes mon rap! Mets ça dans le tapis, mets ça dans le fond, j'suis back pour une autre saison, j'suis back pour les mêmes raisons. Mon rap est en presse, me reste à ta maison. J'suis un chef de file de number one G-Frocker. Mets ça dans ta pipe, man, dans le switch, Mr. Hitman. À moi tout seul, j'forme un équipe, man. J'rap pour le love, j'rap avec mes tripes. J'bouge comme une boisson énergétique. Mon muse, mon flow, mon style d'accroche est systématique. C'est mon système statique, mon petit côté nordique, mon petit côté corny. Raconter rap music, j'fais partie des winners, fait que j'win. 20 ans de rap, j'suis toujours in. Du coup, respecte le vieux, sinon on fait la ping. J'fais pas mal, j'assassine. C'est l'alcool, ok, j'en fais le scrim. Oh bang, c'est comme bang, bang, bang, bang. C'est comme bang, bang, bang, bang. Oh bang, c'est comme bang, bang, bang, bang. Oh bang, c'est comme bang, bang, bang, bang. C'est comme bang, bang, bang, bang. Oh bang, c'est comme bang, bang, bang, bang. Hey yo, c'est les mêmes brunes si tu tiens mon nouveau disque. Une fois de plus, je viens défendre mon titre, même si j'suis pas vraiment de compit. Un autre round, tu vas finir par un gros technique. J't'en top shape, j't'en mode vague. J'ai fait comme Rocky qui vache un bout de steak. J'vais tout donner comme sur un mixtape. J'ai pris du recul, mais pas un break. Oublie ça, j'suis pas dit mon dernier mot, j'suis pas wreck ma dernière take. J'vais reprendre ce qui m'a revient, mon step, mon nom à take. You know my name, j'fais ton top 10. Ma cop mode, les fans suivent, la street name, mon rap bang. Si tu l'offres comme Wu-Tang, du gars pour bonne game. Fuck les jaloux pis la fake game. Continue ma mission comme Ghostface. J'conserve ma place de first place. J'garde le rythme même si j'rajeunis pas. J'vieillis très rapidement comme Master Haze. C'est ma seule raison de rapper. Serait le cash, mais j'serais wack comme Lace. En dessous des squats, j'prie. Mon nom pour un heure, ça va pas pris. Mais j'vais quand même prendre le bien mille. J't'intense comme quand t'es jeune pis tu joues ta dernière prise. Dans un party plat, j'tombe toujours pile. Yo, si j'suis plus fort que jamais, c'est que j'ai pris le temps de recharger mes piles. 2006, j'étais à rap, prenne mes piles. Tu connais pas le CD avec quoi, il t'a pris mon fil. J'ai vendu plein d'histoires, mais c'est là le feu, moi c'est l'avril. You know when I'm just kidding. Come on, bang, bang, bang. Oh bang, it's come bang, bang, bang, bang. It's come bang, bang, bang, bang. Oh bang, it's come bang, bang, bang, bang. Oh bang, it's come bang, bang, bang, bang. It's come bang, bang, bang, bang. Oh bang, it's come bang, bang, bang, bang. Il fait beau ce matin. On est beau sur Ontario. La beauté des blocs bruns est presque plus un fardeau. Entre deux punch shops, j'prends le temps pour jaser. À vieille folle que moi, d'un que toi écrasé. Devant la SAQ blasée, elle me parlait de sa vie. De son ex-mari parti en mars, pis comment qu'elle est dans marde à cause de lui. Il est parti avec le cash, la maison, les cartes de crédit, pis il a laissé les quatre kids. Il lui manque deux piastres pour le boss, ça a pu son portefeuille, parce que Punk lui a fait les poches. Ses bouts de jogging, couleur Mercado, matchait parfaitement avec les promenades Ontario. Mon quartier, le monde est beau, c'est même pas drôle. Oh, dans mon quartier, on veut autant du rock and roll. Dans mon quartier, le monde est beau, c'est même pas drôle. Il fait beau ce soir. Wow. Le monde est beau, en Seine-Cap et Ontario, de Papineau à Vio. Tellement beau que j'ose pas porter de pêche. J'garde mes cheveux pleins, j'dépense pas pour un pain. Non. J'baigne dans une ambiance belle et chaleureuse. S'entremêle punk, squeegee, junkie et danseuse. Puis y'a les old school, hard rock, des vrais microbes, des vieux bars, sous-morts qui cruisent, des jeunes filles aux petites robes. Y'a entendu de la kiss, pis pense ses kiss. Ou les Twisted Sisters, tu peux les dis gratis. Sont plus là, pis te disent que la jeunesse est pas vive. Y'est obligé de rien faire, ce coup-là, parce qu'il est pas ivre. Dans mon quartier, le monde est beau, c'est même pas drôle. Oh, dans mon quartier, on vit autant du rock and roll. Dans mon quartier, le monde est beau, c'est même pas drôle. Oh, dans mon quartier, on vit autant du rock and roll. Il fait beau encore, j'parle à Tupac Meloche. Quand Hogan hoche la gorge, du moins proche de là. Il me parlait de ses poches qui tardaient à se remplir. Mais s'inquiète pas, parce la pyramide va grandir. Une quête de 30 sous pour une smoke à l'unité. Pas de quoi virer fou, j'y donne un souhait en bonne continuité. J'continue ma marche sous le soleil. Plane sur l'asphalte, bouge du banc de parc sommeil. C'est tellement beau. Les bouteilles pétées par terre, les bouchons de bière ou les saucisses du père Bougon. C'est trop beau. Le quartier sous le soleil, l'odeur de merde du soir qui se mêle à merveille. Qui est beau mon quartier, maudit qui est beau mon quartier. On dit qui est beau mon quartier, on dit qui est beau mon quartier. Dans mon quartier, le monde est beau, c'est même pas drôle. Oh, dans mon quartier, on veut autant du rock and roll. Dans mon quartier, le monde est beau, c'est même pas drôle. Oh, dans mon quartier, on veut autant du rock and roll. Dans mon quartier, le monde est beau, c'est même pas drôle. Oh, dans mon quartier, on dit que beau mon quartier. J'avais pas l'infrarouge. La paralysie me kidnappait quand que je voulais que ça bouge. Explosion interne, quand tes repères te manquent. Que Dieu te prend pas au sérieux puis que le diable te tente. Vente que l'air chante, lobotomisé par Marie. Les neurones au bord du suicide, les phrases saveur wasabi. Autodestruction, comme un vaisseau dans un trou noir. À rentrer au travail comme un taureau dans un abattoir. Dans mes entrailles, un poids que je traîne à jamais. Je pensais rire de joie à moi quand c'était mes yeux qui saignaient. Vie sarcastique, bonheur cynique. Le système nous voit comme les pièces d'un gros appareil mécanique. Je suis parmi mes fantômes avec mes ombres. La révolution est pas venue parce qu'on est divisé par un nombre. Elle s'encoule dans mes veines, mais parfois ça bloque. Se plaint dans mon cerveau parce que mes rêves floquent. La faucheuse nous survole tous et je sais que je suis sur sa liste. Je vais aller faire chaque jour un peu plus matérialiste. Ma soif du bien tranquillement a de plus en plus sommeil. Les anges ont brûlé leurs ailes à se rapprocher du soleil. Et si lui se lève pas demain, de toute façon c'est pas grave. Dans mon cœur c'est déjà sombre. Yo. Hey yo, que Dieu me pardonne pour tous mes péchés. Le juge a mal donne un poisson plus à pêcher. Mon chemin de vie à chier, route sinueuse et froide. J'ai fait le bout de chemin à pied, c'est sûr que c'est loin de la croisade. Mon cœur s'assombrit derrière mon visage masqué. J'ai pas peur de la zomperie, mais que mon esprit reste marqué. Les anges qui volent me guident sur ma route. Mes anges rentrent au sol pendant que je mange ma croûte. Vide recru, nuage gris sur ma tête. À part moi qui l'aurais cru que dans mon cœur c'est en bête. Ça pèse lourd sa conscience du kid que je suis. Dur de faire confiance à l'enfant au cœur moisi. La vengeance est un bloc qui se mange froid. Malgré tout ça j'avance, yo, puis j'essaie de marcher droit. Plus en plus de traîtres marchent dans mon dos. Faudrait que j'aime confesser chez le prêtre au lieu de courir après le dos. Mais c'est la richesse qui fait tourner la terre. Si la mort me frappe, tu tiens sûr que je tombe par terre. Mais mes blessures ne sont que superficielles. Ça s'aggrave, je t'assure, je vais m'en sortir officiel. Reste-moi la tête haute, cherche cherchais sens à ma vie. Plus plein de regrets pour mes fautes, je veux pour finir en souffrir. Toi tu me dis que tu m'aimes, moi je te crois que je suis naïf. Dans ma tête ça germe, t'es avec ceux qui m'haïssent. Les gens parlent, je les entends chuchoter. Ils propagent des scandales, moi quand je veux ça je suis choqué. Mais je reste moi-même, sûr que je reste à l'esprit. Quand faut que je règle le problème, j'évite la rage à tout prix. J'ai le cœur sombre. Comme un dimanche pluvieux l'automne, anéanti par la dureté de la vie, tu veux qu'on te console, mais y'a personne. Les pensées noires et le cœur sombre, comme Anakin, tes peurs te trompent. Time te dit que c'est l'heure de rompre. Aïe, que le monde t'intéresse, fait que tu te montes un plan d'action. Ils retrouveront tes restes à quelque part en putréfaction. Avec ton périscope, te regarde la fin qui s'y proche. Ton avenir dit d'avoir vu de loin, mais c'était pas réciproque. À force de courir comme Terry Fox, puis faire du surplace, tu finis par dire thank you very much à ton cœur sale pour t'avoir ouvert les yeux vers l'idée de la finalité. L'enfer où les cieux peuvent être pire que tout ce qui t'est arrivé, ton cœur brûle. Comme un crématoire par honte de souffrir, prompt à mourir, douleur soulagée par l'onde de soupir. Ta vie sauve comme une foule en détresse, homme perdu que les lèmes s'équaissent comme langue dans mes textes. Soupir vaut mieux de vivre lorsque plus de douleur dans mon cœur. Voudrir sans soupir car y'a trop de fureur dans nos pas. Sol s'écroule en chute libre, larme rouge incomprise. Écrire en lettres cursives lorsque le cœur s'assombrit. Mais ton vraiment soulagé par une mort intentionnelle. Et si la douleur se propageait dans le monde intemporel, la délivrance deviendrait oppression de la joie et du bonheur. Et la pénombre envahirait le cœur de marbre et de froideur. Le cœur sombre. La balado qui se penche sur ce qui se fait au Québec du côté alternatif des choses musicalement. J'essaie des nouvelles choses pour vous présenter la balado. Je m'appelle André Péloquin et on vient de terminer avec Bougat. C'était la pièce Cœur sombre tirée de son album Pâte de salamandre. Un peu avant, on avait Summer Bruce avec les Promenades Ontario tirée de l'album Pleurer avec le sourire. Et on a débuté avec Cédric. C'était la pièce Bang tirée de son album Mon Show Réalité. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus électro-ish, si vous voulez. On va avoir, entre autres, du Bondé d'eau roulée. Oui, je sais que c'est un groupe d'Amérique du Sud, mais ah ah! La pièce d'eau tabaco a été remixée par le DJ A-Track, fameux DJ de Kanye West, et qui vient aussi de Montréal. Oh oh! Je vous surprends là dans le détour. On va aussi avoir du Omnicron en duo avec Numéro. Et une surprise, Mountain Radio, groupe de Montréal, qui ressemble un peu à ce que The Knife fait. Moi, j'aime beaucoup, j'espère que vous aimerez aussi. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre au courriel suivant. C'est le podmodernisme, podmodernisme@gmail.com. Le site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec d'autres. Tabaco de Bondé d'eau roulée sur Pod Modernisme. Yeah. vodka, caramel, chewing-gum, fraise, mini-jupe, des caresses en amoureux. Vodka, caramel, chewing-gum, fraise, mini-jupe, des caresses en amoureux. Je pose mon skate et mes Nike à l'entrée. Quand je croise direct les yeux de Chloé, je suis tout rouge et je me sens chaviré. Faut que je trouve le moyen d'embrasser. Faut que j'en parle à mon pote qui m'invite. C'est sa cousine, c'est peut-être c'est quoi son type. Et puis qui sait, après l'hiver de gin, je lui ferai voir, vas-y c'est qui le king. Et puis après, on ira dans la chambre, faire des câlins. Sous-sol voile, c'est les rois de l'école. On vend l'alcool de tes parents. On quitte ton champ hors de notre champ. Est-ce que c'est elle ta grande sœur? Sans mon doigt, quelle odeur? Non, ce n'est pas du bar, c'est que j'ai doigté ta sœur. Je me rappelle de mes 14 ans comme si c'était hier. Car je suis encore un adolescent, toujours un peu trop fier. Je t'ai regardé, tu m'as souri, j'ai senti que je devenais un homme. Je suis comme sous la table, je me sers un verre. Appétit insatiable, je rêve qu'on va presque le faire. Oh, Le podcast qui se spécialise dans ce qui se fait d'alternatif, d'émergent, de local au Québec. Ouh. Et on vient de terminer avec Mountain Radio. C'était la pièce Keep Trying tirée du maxi From the Mountain Radio. Un peu avant, on avait Numéro en duo avec Omicron. C'était Chewing Gum Fraise tiré du maxi de Numéro. Des concerts qui s'en viennent au mois d'août pour les deux formations. Ça promet, ils sont présentement en Europe, je crois, en train de rocker les Françaises. Et on a débuté avec Bande d'Orolais, c'était Do Tabaco, le remix de A-Track. On va terminer cette balado dès maintenant, car toute bonne chose doit avoir une fin. Et puis, il est présentement 8h12 du matin, je ne suis pas encore très réveillé. Je suis même flambant nu, j'enregistre des trucs flambant nu pour toi, c'est incroyable. Et c'est surtout trop de détails. On va terminer avec des trucs un petit peu plus folk. On va avoir du Avec Podcast, avec La Pire Journée au Monde, tiré de leur excellent album 3 Chaudières de Sang. On va aussi avoir du Cat Burns and the Forest City Lovers. Je crois qu'ils viennent d'Ontario, mais bon, ça arrive, hein? On peut pas être parfait, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et on va jouer la pièce Mermaids, c'est tiré de leur album The Sun and the Wind. Et on va terminer avec du Arcade Fire, c'est la pièce In the Backseat, mais une version autre. Qu'est-ce qui se retrouve? Merci. Sur l'album Funeral. Là-dessus, c'est André Pellequin qui vous dit à une autre fois. Je vous rappelle mes coordonnées une dernière fois. podmodernisme@gmail.com, c'est mon courriel. podmodernisme.blogspot.com, c'est mon site web. C'était la 35e édition de Podmodernisme. À la prochaine fois. La lumière prend ce qui reste long de ton char, se traîne les pieds. Tu roules les fenêtres ouvertes, les yeux fermés. Une pièce de gaz, un café noir, une barre de chocolat. La machine à liqueur gagne plus que toi. Le ciel vole bas. Ça devient plus dur d'espérer. qu'on voudra, c'est drôle pareil de croiser ton ex qui est enceinte jusqu'aux oreilles. On mesure pas la qualité de la to face.